La séance oratoire des permanents de l'Union des travailleurs agricoles et agriculteurs, consacrée au 85e anniversaire de la fondation de l'Héroïque Armée Populaire de Corée, a eu lieu le 21 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part les permanents de l'Union des travailleurs agricoles et les agriculteurs de la ville de Pyongyang. Les orateurs ont exalté les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il accomplis pour la révolution de Sun Gun. Ils ont souligné qu'il faut suivre fidèlement la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un pour ainsi faire preuve de leur dévouement patriotique.